Matthieu chapitre 3. Or, en ce temps-là vint Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car c'est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète, en disant, la voix de celui qui crie dans le désert, est, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Or Jean avait son vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour de ses reins, et son manger était des sauterelles et du miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem, et de toute la Judée, et de tout le pays des environs du Jourdain, vinrent à lui. Et ils étaient baptisés par lui au Jourdain, confessant leurs péchés. Mais voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir ? Faites donc des fruits convenables à la repentance, et ne présumez point de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père car je vous dis, que Dieu peut faire naître de ces pierres même des enfants à Abraham. Or la cognée est déjà mise à la racine des arbres, c'est pourquoi tout arbre qui ne fait point de bons fruits, va être coupé, et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers, celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin dans sa main, et il nettoiera entièrement son air, et il assemblera son froment au grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait fort, en lui disant, « J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens vers moi. » Et Jésus répondant, lui dit, « Laisse-moi faire pour le présent, car il nous est ainsi convenable d'accomplir toute justice. » Et alors il le laissa faire. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit incontinent hors de l'eau, et voilà, les cieux lui furent ouverts, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe, et venant sur lui. Et voilà une voix du ciel, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. »